15-40 exercice test. Forme verbale, personne du singulier et du pluriel. Complétez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... Vous souriez. Et vous écrivez. Non, je ne souris pas. 1. Vous étudiez. 2. Vous vous ennuyez. 3. Vous croyez? 4. Vous le connaissez? 5. Vous sortez? 6. Vous venez? 7. Vous savez? 8. Vous voyez? Copyright 1994, Yale University.